Allez, c'est l'heure de remonter le temps avec vous aujourd'hui dans l'histoire. Bonjour Franck Ferrand. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes le 23 avril 1616. Eh oui, 1616, triste jour puisqu'il a vu disparaître deux génies de l'humanité, n'ayons pas peur des mots, hein, puisqu'il s'agit de Shakespeare et de Cervantes, l'auteur de Don Quichotte. Ils sont morts le même jour. Alors, on aimerait le croire. En fait, ils sont bien morts tous les deux le 23 avril 1616. Mais pas dans le même calendrier. Ah. Les Espagnols avaient déjà adopté le calendrier grégorien, le nôtre, si vous voulez, tandis que les Anglais, eux, étaient encore à l'heure du calendrier julien. Donc sur le papier, ils sont morts le même jour. En réalité, ils sont morts à 10 jours d'écart. Ouais, dommage, c'est vrai que c'était une belle coïncidence. Alors racontez-nous, comment sont-ils morts? Alors Shakespeare, on n'en sait rien. Il est enterré en Angleterre dans l'église de la Sainte Trinité à Stratford-upon-Avon, vous savez, qui est sa ville. Il faudrait évidemment, pour en savoir davantage, ouvrir son tombeau. Seulement, évidemment, il y en a beaucoup qui s'opposeront à une telle profanation. Il est inscrit sur sa tombe « Béni soit celui qui épargne ses pierres, maudit celui qui bougera mes os ». Évidemment, ce n'est pas encourageant. Non. Quant à Cervantes, bon, on n'en sait pas beaucoup plus. Une certitude, il souffrait de diabète. Et il avait 68 ans, 1616. Il est enterré à Madrid dans l'église des Trinitaires. On ignore où exactement. Il y a quelque temps, la municipalité d'ailleurs avait lancé des recherches à l'aide d'un radar ultra sophistiqué. Dites-moi, c'est bien mystérieux tout ça. Oui, alors ce qui est quand même tout à fait sûr, c'est qu'ils sont devenus, l'un comme l'autre, les emblèmes de leur littérature nationale. Ne parle-t-on pas de la langue de Shakespeare pour désigner l'anglais et de la langue de Cervantes pour l'espagnol? Ultime coïncidence, des doutes ont pu être émis quant à la paternité des deux œuvres. Mais enfin ça nous entraînerait sur de longs débats. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Pour une émission dédiée au grand peintre Georges Mathieu. Et on vous retrouve aussi en podcast, bien sûr, pour les retards.